C'était dans l'air du temps de s'aimer plus que peuvent bien les aimer, même leurs propres parents. C'était dans l'air d'une ville qu'on respirait la mer acide de leurs doux sentiments. Elles sont 5, 6, peut-être plus encore. Entre elles 7 à la vie, à la mort. Vous les croiserez, oui, un jour sûrement, dans les rues de la ville de Saint-Jean. Oh, elle s'offre des je t'aime et elle sourit à la vie. Elle danse tous les soirs, parfois jusqu'après minuit. Elle danse. Où elles font don de leur corps. Si les lumières s'éteignent, elles éclaireront vos nuits. Elles diront des poèmes à ceux qui en auront envie. Et pour les droits, je me charge d'en fixer le prix. Un jour prenez le temps de prendre un pot face au grand hôtel, au fameux bar de Saint-Jean. C'est inlassablement qu'elles viennent y ressasser les plus beaux de leurs souvenirs d'enfants. Elles y pleurent, elles y rient, elles y chantent. Elles oublient, elles rêvent et elles pensent. Vous laisseront-elles entrer dans la danse? Souhaitons-vous d'avoir un jour cette chance? Elle s'offre des je t'aime et elle sourit à la vie. Elle danse tous les soirs, parfois jusqu'après minuit. Elle danse. Elles font don de leur corps. Si les lumières s'éteignent, elles éclaireront vos nuits. Elles diront des poèmes à ceux qui en auront envie. Et pour les droits, je me charge d'en fixer le prix. C'était dans l'air du temps de s'aimer plus que peuvent bien les aimer même leurs propres parents. C'était dans l'air d'une ville qu'on respirait la mer acide de leurs doux sentiments. L'histoire touche à sa fin, mais d'abord une simple formalité reste encore. Pourquoi n'y ai-je donc pas pensé avant? Je vous présente les copines de Saint-Jean. Oh, la comique c'est j'aime, mais y'a Marion aussi, juste là, Audrey qui traîne, planquée derrière Nini. Mais dites-moi, où est donc passée Nancy? pourquoi porter des chaînes quand les liens se font de même, quand tout est dans le regard, l'amour, les peurs et les haines, s'il en est un, c'est pour toutes le même problème.